Chapitre 8e. Parmi les nombreux avantages dont Buffalo est doué, cette ville possède une magnifique marine à vapeur desservant le lac Erie. Le Southern Michigan, qui m'emporta à l'extrémité opposée de cette mer intérieure, est non seulement le plus somptueux bateau à vapeur, mais un des plus modérés dans ses tarifs que j'ai rencontrés. Je n'eus à payer que 40 francs pour une place de première classe, tant sur ce steamer que sur le chemin de fer qui relie Monroe, où il atterrit, à Chicago, la grande cité du Nord-Ouest. Le lit se paye en sus 5 francs, et moyennant 2 francs 50 centimes, on prend place à une excellente table d'hôte. Comme le lac a 504 km de longueur sur une largeur de 113, ses rives boisées furent bientôt hors de vue grâce à la rapidité du Southern Michigan. Mais quoique le spectacle seul du ciel et de l'eau puisse paraître monotone, ce ciel était d'un bleu si profond, si intense, les eaux calmes du lac le réfléchissaient si fidèlement que la traversée me parut charmante. Le lendemain 12 septembre, en approchant de l'extrémité sud-ouest de l'Erie, nous aperçûmes quelques bâtiments à voile, tachetant comme des cygnes blancs l'azur des eaux et se perdant rapidement dans la direction du nord. C'étaient des caboteurs américains, se dirigeant vers les canaux naturels de Détroit et de Saint-Clair, qui servent d'écoulement au lac Huron. Dans l'azur du ciel, d'autres points blancs, décrivant de hautes spirales ou des zigzags rapides à la façon des éclairs, attirèrent longtemps mes regards. Un examen attentif me convainquit que j'avais devant les yeux un couple ou deux de cette puissante espèce de rapace, l'aigle à tête blanche, qui a fourni aux États-Unis leur blason et de si belles pages à haut du bon. Peu après, pendant que le steamer filait à travers le petit archipel d'îlots boisés, qui sépare de la grande nappe du lac Erie son extrémité orientale, j'eus la chance heureuse de contempler d'assez près un de ces tyrans de l'air et des eaux. Il était dans une de ces poses pittoresques qu'ont, pour ainsi dire, photographié la plume et les pinceaux du grand naturaliste américain. Debout sur un rocher dominant les eaux du lac, il étreignait de sa forte serre un gros poisson enlevé par lui à une heure frais qui venait de le pêcher dans une toute autre intention que de lui en faire hommage. Voyez comme il foule de tout son poids ce cadavre palpitant encore, comme il y plonge profondément son bec acéré. Il rugit de plaisir. On dirait qu'il savoure les dernières convulsions de sa victime et qu'il s'efforce de lui faire sentir toutes les horreurs possibles de l'agonie. La vallée de Monroe, où le steamer nous déposa à 3 heures de l'après-midi, ne date que d'hier, mais un grand avenir lui est promis. On peut la regarder comme la tête de tous les chemins de fer du nord-ouest américain. Celui que je pris se dirige vers Chicago, en suivant d'abord le petit axe de la grande presqu'île de Michigan, et en contournant ensuite l'extrémité sud du lac de ce nom, nappe d'eau douce, plus vaste à elle seule que l'Erie et l'Ontario réunis. Sur tout ce trajet, il me fit traverser tantôt des forêts noircies par la foudre ou par les incendies des défrichements, tantôt ces immenses prairies aux larges ondulations si recherchées des laboureurs et des éleveurs de bestiaux. Les stations fort rapprochées les unes des autres desservent des localités pour la plupart encore peu importantes, mais qui grandissent rapidement. L'État de Michigan était en quelque sorte le seuil de la terre promise de l'émigration. Le territoire de cet État, qui à l'époque où Maltebrun publiait sa grande géographie en 1817, ne renfermait que 4 à 5 000 habitants, et qui passait même pour peu fertile, en nourrit aujourd'hui plus de 600 000. Détroit, sa capitale, qui comptait 2 000 âmes en 1820, en avait 60 000 au dernier recensement. Placé sur la rive américaine de la rivière qui déverse les eaux du lac Huron dans le lac Erie, comme le Bosphore déverse les eaux de la mer Noire dans la Méditerranée, ce sera un jour la Constantinople des mers intérieures de l'Amérique du Nord. En contournant l'extrémité sud du lac Michigan, le convoi qui m'emportait vers Chicago traversa, sur un parcours d'une centaine de kilomètres, l'État d'Indiana, dont la colonisation, qui ne date pas d'un demi-siècle, s'est élevée, dans ce court laps de temps, de 20 000 habitants à près de 1400 000, et a pris rang parmi les États de l'Union les plus avancés en agriculture, en industrie et en travaux publics. Dès 1853, il n'a pas craint de dépenser 120 millions de francs pour ses seuls chemins de fer. Aussi, ceux-ci présentent-ils, en 1860, un développement de plus de 3000 km. L'État d'Illinois, où nous pénétrons en franchissant la frontière occidentale de l'Indiana, est encore mieux doté de chemins de fer que ce dernier. Dès 1855, il avait déjà dépensé 355 millions de francs pour cet objet et possédait 5200 km de voies ferrées, construites ou en construction. il n'est pas moins favorisé sous le rapport de la navigation intérieure. Au nord-est, un littoral de 90 km environ, sur les eaux du Michigan, le met en communication directe avec la chaîne des Grands Lacs, avec le Saint-Laurent et l'Atlantique. À l'ouest, il a pour limite le Mississippi, le roi des fleuves navigables. Au midi, il s'appuie sur l'Ohio, tandis que le Wabash, à l'est, le sépare de l'Indiana. Les prairies, qui forment la partie agricole la plus riche et la plus étendue de l'Illinois, occupent plus des deux tiers de son territoire. Vers le centre, l'est et le nord de l'État, elles revêtent ce caractère d'immensité qui donne à la contrée un cachet tout particulier. Tantôt haute, tantôt basse, elle s'étale parfois en belle plaine, mais le plus souvent présente des ondulations qui se succèdent à l'infini, comme celles de l'océan après la tempête. À l'état inculte ou cultivé, elles sont partout couvertes de hautes herbes qui annoncent la fécondité du sol et en général les meilleures qualités pour la nourriture et l'engrais des bestiaux. C'est de l'Illinois que l'Angleterre tire aujourd'hui les viandes les plus estimées pour sa marine et ses ouvriers. Toutes les espèces de céréales et surtout le maïs réussissent à souhait dans ce sol, presque partout formé d'une épaisse couche d'alluvions, d'une fertilité qu'on peut dire inépuisable, car on cite des places qui étaient déjà défrichées il y a 100 ans par des Français et des Indiens et qui n'ont cessé de fournir depuis, chaque année, sans engrais et sans assolement, une abondante récolte de céréales. Dans ce sol inépuisable, tous les légumes, tous les fruits de l'Europe centrale croissent aussi beaux, aussi savoureux que ceux de nos jardins. Dans les districts méridionaux, on cultive déjà la vigne avec succès. La betterave et le sorgho n'y réussissent pas moins. Les essais tentés depuis quelques années sur ces deux plantes saccharifères ont donné des résultats d'après lesquels les colons de l'Illinois peuvent légitimement espérer s'affranchir, dans un avenir plus ou moins éloigné, du tribut qu'ils payent aux États esclaves pour leurs approvisionnements de sucre. Si, à tant d'avantages, on ajoute que l'immigrant d'Europe peut retrouver jusque dans les forêts différentes variétés de noix, de noisettes, de framboises, de myrtilles, qui lui rappellent les joies de l'enfance et du sol natal, et que les produits de la chasse et de la pêche sont assez considérables pour fournir annuellement à l'exportation d'outre-mer près de 200 000 kg de gibier de toute espèce, on comprendra facilement pourquoi la population de l'Illinois, qui ne comptait en 1810 que 12 280 habitants, en nourrit aujourd'hui 1 700 000. Comment Chicago, qui ne date pas d'un demi-siècle, est en 1861 une cité de 140 000 âmes et comment l'agriculture de ce jeune État a pu se présenter aux expositions universelles de Londres et de Paris avec un instrument d'une application aussi économique qu'ingénieuse, dont toute la science agronomique du vieux monde n'avait pu encore calculer et réunir les éléments, la moissonneuse de McCormick. Depuis 30 ans, Chicago est le centre, on pourrait dire le réservoir, d'où les flots toujours croissants de l'immigration européenne se sont épanchés, d'abord au sud et au sud-ouest, puis au nord, le long des rives des lacs Michigan et supérieurs, et enfin à l'ouest, au-delà du Mississippi. Au moment actuel, les 6 États de Michigan, d'Indiana, d'Illinois, de Wisconsin, d'Iowa et du Minnesota nourrissent plus d'un million d'hommes nés en Europe et qui sont venus demander à ces régions un toit assuré pour leur vieillesse, une tombe paisible pour leurs ossements, un berceau non besogneux pour leurs enfants. La plupart de ces pauvres déshérités du vieux monde ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans le nouveau et oublient aujourd'hui dans une abondance relative les âpres motifs qui leur ont fait quitter la terre natale, les angoisses des adieux et les misères poignantes de leur longue traversée. Après la malheureuse Irlande, qui a perdu plus du tiers de sa population depuis 1845 seulement, c'est l'Allemagne qui a le plus fourni au courant des migrations qui nous occupe ici. La Scandinavie vient ensuite, puis la Suisse, la Belgique et enfin la France. Des localités baptisées des noms bien connus de Toulon, de Vesoul, de Gy, etc., etc., apprennent de loin en loin aux voyageurs qui se rendent des bords du Michigan à ceux du Mississippi que des Provençaux et des Franc-Comtois sont venus chercher dans cette contrée un sol moins dénudé que les basses Alpes, moins épuisé que les vignobles de la Haute-Saône. À l'époque de mon passage, Chicago n'était remarquable que par son étendue, sa population et son commerce, et n'avait point encore de monument digne de son importance. Après un court séjour, je pris le chemin de fer de Galena dans la direction du Mississippi. Le chemin de fer n'était pas alors entièrement terminé. et à la dernière station, nous trouvâmes, pour le remplacer, plusieurs voitures attelées de 4 chevaux. 9 voyageurs montèrent dans chacun de ces véhicules. Nous partîmes au galop à travers un pays fort accidenté et des routes qui ne l'étaient pas moins. On ne s'en occupait nullement, le chemin de fer devant être bientôt achevé. En attendant, notre voiture semblait à chaque instant devoir rouler dans des ravins escarpés. Comme un de mes voisins s'adressait froidement au cocher, je m'imaginais que sans doute il l'engageait à être prudent dans ces chemins dangereux. Mais voici la fin de sa phrase. « Go ahead and never mind » en avant, et ne faites attention à rien. Telle est en effet la devise des Américains. Il faut d'abord avancer, peu importe les risques. Dans la soirée, nous atteignîmes sans accident Galena, et j'allais coucher à bord du bateau à vapeur qui partait le lendemain pour Saint-Paul, dernière station des steamers qui remontent le Mississippi. La petite ville de Galena, chef-lieu d'un district minier, est bâtie sur les flancs d'une colline qui domine l'étroite rivière nommée La Fèvre. Les maisons occupent des plateaux parallèles et superposés les uns au-dessus des autres. Cette disposition de la ville lui donne un aspect étrange mais pittoresque. De larges escaliers en bois unissent les différents étages de la ville et conduisent jusqu'au sommet de la colline dont la vue s'étend sur des campagnes boisées. Les quais sont couverts de saumons de plomb provenant des riches mines des environs. Le 17, à 2 heures de l'après-midi, le chargement étant complet, nous quittons Galena, mais nous avançons fort lentement sur la rivière de la Fèvre, encaissée entre 2 collines boisées. Enfin, nous atteignons le Mississippi, le plus grand fleuve de l'Amérique septentrionale. Né dans le lac Aska, à 600 mètres au-dessus du niveau de l'océan, ce grand cours d'eau va se jeter dans le golfe du Mexique après avoir parcouru 5400 kilomètres. On comprend que les Indiens aient appelé ce fleuve Mechacébé, le vieux père des eaux. Il peut avoir 2 kilomètres de largeur devant la ville de Dubuque, où la Fèvre se perd dans son cours. Dans la saison où nous étions, ces eaux sont basses. Aussi avait-on souvent recours à la sonde, et il fallait sans cesse passer d'une rive à l'autre pour suivre le chenal le plus profond. En outre, le bateau plat que nous remorquions retardait notre marche. On s'arrêtait fréquemment devant des hameaux composés de quelques maisons ou bien pour prendre le bois de chauffage nécessaire à notre machine. À chaque instant, les rives du fleuve changent d'aspect, tantôt elles sont plates et boisées, tantôt elles s'élèvent droites comme des murailles, et les rochers forment des ruines de forteresses gigantesques. Le cours du Mississippi est embarrassé de nombreuses îles couvertes d'une épaisse végétation. Mais on ne peut rien comparer à la vue magnifique offerte par la prairie du Chien, située en amont du confluent du Wisconsin avec le grand fleuve. Des plaines immenses et les lointains profils des montagnes s'harmonisent ici avec une gracieuse grandeur qui caractérise bien l'Amérique telle que je la rêvais. À cet endroit, le fleuve prend une telle extension qu'on se croirait sur un lac. Pendant la soirée, j'entendis plusieurs passagers s'écrier « Un homme à l'eau !» On arrêta un instant le steamer, mais rien ne parut à la surface du Mississippi. « Nous aurons rencontré un tronc d'arbre, » dit le capitaine. « Go ahead and never mind. En route, et n'y pensons plus. » Cependant, l'officier américain qui conduisait des troupes contre je ne sais quelle tribu lointaine d'Indiens fit l'appel des soldats. Il en manquait un. Ses camarades l'avaient vu se jeter dans le fleuve. Ce malheureux tenait à la main son fusil afin d'augmenter son poids et de ne pas remonter à la surface de l'eau. On ne fit nulle autre attention à cet accident, ce qui est bien naturel chez un peuple où l'on se préoccupe si peu des fréquentes catastrophes occasionnées par l'explosion des steamers et par le choc des convois sur les chemins de fer.